bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. C'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on n'était pas là, mais là, on est de retour. Pour 2017, c'est moi qui ai le plaisir avec Bruno de vous présenter la première de 2017 de Terra Incognita. Plein de bonne musique ce soir, et pas mal de nouveautés. Ça nous vient d'Italie en bonne partie. Et puis, ben, je peux vous en nommer un peu, là, comme Ancient Veil, Universal Totem Orchestra, c'est toutes des nouveautés. La Bocca della Verità. Et plein de bonnes choses. On a plein de musique. Installez-vous, surtout que c'est pas le temps d'aller faire un tour dehors ce soir. 2 heures de prog. Et on commence sans plus tarder avec... oh, c'est vrai. Glasshammer. Et j'étais pour vous dire que c'est un extrait de leur plus récent Valkyrie, mais ça me rappelle... qu'il y a un concert qui s'en vient au mois de mai de Glasshammer, Terra Incognita, donc au Centre d'art La Chapelle, le 20 mai, Glasshammer, et puis évidemment bien d'autres choses cette journée-là. On va voir Eden Song aussi et Universe Effect de Québec, et le lendemain, ben, on reçoit un groupe, un jeune groupe d'Italiens, et puis, mon Dieu, il y a aussi ça, il y a quelque chose d'Écosse qui nous arrive aussi, là. Et on finit avec Hudson Atten d'Italie. Bon, ben, sans plus tarder, je pense qu'on va y aller dans le vif du sujet. On y va avec Glasshammer, un extrait de Valkyrie, et puis on va voir aussi Ancient Veil qui va suivre, et bien d'autres choses. We'll be right back. Sistemi complessi e luce riflessa. Thank you.

Et monsieur, on en prendrait d'autres de même. Ça nous vient d'Italie, encore et toujours, La Bocca della Verità de leur album Avenot, une longue pièce là, qui donne la mesure du talent de ces musiciens. La Bocca, je ne sais pas la dernière fois que vous allez en entendre l'émission, La Bocca della Verità de l'album Avenot. Toujours en Italie, on avait Ancient Veil, leur tour nouveau. C'est pas des gens très, très productifs. Je pense que leur premier, ça c'est leur second, I Am Changing. Et on avait publié un, leur premier, en 1995. Donc ça fait 22 ans. Faut pas être pressé pour attendre des disques. Ces deux anciens membres d'un groupe italien des années 90, certains peut-être vont se rappeler, Iris Pluvia. Bruno, il se gratte encore. Oui, ça y rappelle quelque chose. Rings of Earthly Light. Donc, c'est deux musiciens. En fait, il était quatre. Il y en a deux qui ont poursuivi avec Iris Pluvia beaucoup plus tard. Et puis, les deux autres ont fondé Ancient Veil. Et on avait amorcé avec Glasshammer de l'album Valkyrie. Dois-je vous rappeler que Glasshammer va être à Québec? Oui, au Centre d'art, le 20 mai. Et dans le cadre de la convention Terrain Incognita. Poursuit en musique, mais avant, c'est vrai, petit cadeau de début d'année, j'ai une paire de billets pour le concert hommage à Peter Gabriel présenté au Centre d'art La Chapelle vendredi prochain. C'est le groupe Big Time, donc au Centre d'art, une paire de billets. Vous appelez au 640-1586, 640-1586. On va prendre le troisième appel. Et on poursuit en musique. Nous, on va faire un petit tour du côté de l'Angleterre pour ce bloc musical avec un groupe qui a pour nom Rainbow's End. Un premier disque qui est assez un monument de 78 minutes et tout s'enchaîne. Donc, on a réussi à aller chercher notre extrait, nous. C'est de l'album Holy Water et puis il va y avoir aussi après ça Steve Hughes et bien d'autres choses. C'est Michel et Bruno jusqu'à minuit, Terrain Incognita.

qui a déjà joué avec Big Train, Kino aussi. C'est son deuxième disque qui a pour titre Once We Were Part 2. Il y avait eu la première partie est parue milieu de l'année dernière. Ben, ça fait drôle de dire ça l'année dernière, mais ça fait pas si longtemps. Et c'est ça. Je dirais peut-être il y a 5-6 mois. Et puis, on avait amorcé avec Rainbow's End. Ça aussi, ça nous vient d'Angleterre, de l'album Holy Water. Retour en Italie, je vous en ai parlé tantôt, Ancient Veil. Je me suis dit, bon, on peut en présenter un deuxième extrait. Après tout, c'est le disque paraît dans la semaine prochaine. Donc, il va être disponible la semaine prochaine. Et un petit avant-goût, donc, avant, on écoute une deuxième pièce de ce nouveau disque qui paraît 22 ans après leur premier, I Am Changing. C'est Ancient Veil à Terra Incognita avec Bruno et Michel jusqu'à minuit. was too high for me. Heard alone on a piece of sky, in cold chrome. Oh, find your enemy. Does your life make sense suddenly? At the outskirts of everywhere, a simple heart, my alter ego. You know I killed the wrong one, and so I escort myself back into meaninglessness. There is no silence like in your absence. Just because I did it doesn't mean it's happened. Just because I feel it still might have died. It still might have died. C'erano scorte di gente, odori di vino e notti e schiamazzi e di albi da conquistare. C'era un'anima dolce, anima dolce. C'erano sette strade da urlare, c'erano tre piane rosse, un colpo di tosse e 40 finestre da illuminare. C'erano spicciole e filosofie, c'erano orari da non rispettare. C'erano note di pietra, suonate e lanciate nel verde smeraldo del cielo. Quando le lune furono finite, l'anima dolce ti tornò a cercare. Ti trovo solo a lucidarti le ferite, che non smettessero così di sanguinare. Ti trovo sveglio a ripassare la tua vita, mentre il pianeta continuò a girare. Tu ripetevi la tua frase in una storia, che avresti in fondo anche voluto raccontare. Servito stare fermo a respirare, mentre altre storie in altri luoghi della notte non aspettavano di certo il tuo parere. Questa storia qualunque dovrebbe non poter trovare il suo finale, nell'arroganza sconcertante della morte, ma neanche nel restare fermo ad aspettare. We'll be right back. Ça nous vient d'Italie. Pandora, 10 Years Like in a Magic Dream. C'est une parution assez récente. Il y a quelques invités spéciaux, dont un musicien de banco. Il y a aussi David Jackson, ex-Van der Graaf. Et puis, il y a le bassiste, le Dino Fiore, et le bassiste d'Il Castello di Atlante. Donc, Pandora, 10 Years Like in a Magic Dream. Toujours en Italie, juste avant, on avait la Coscienza di Bacco. Et pas la Coscienza di Zeno. C'est un autre groupe, la Coscienza di Bacco, de l'album Distanzi. Et après, Ti, c'est un musicien, un multi-instrumentiste du nom de Thomas Thielen, qui en est à son sixième album, mine de rien, Epistrophobia. 78 minutes, qui a tout enregistré seul, réalisé, mixé, et comment on pourrait dire, un homme orchestre doué, et lui se définit un peu comme un control freak aussi. Ça, si, il fait tout comme ça, tout seul, depuis des années, et tous les instruments. Il n'y a rien, il n'y a personne qui travaille avec lui. Il y en a qui sont de même. Et, non, c'est... Bruno, il trouve ça drôle. C'est parce que c'est juste que... ça, des fois, juste socialiser un peu, ça serait pas pire. Mais bon, donc, T, de l'album Epistrophobia. Et puis, on avait amorcé avec Ancient Veil, I Am Changing. Dernière demi-heure. Et on va l'entamer avec un autre groupe italien. Et oui, la Bocca. La Bocca della Verità. Je vous avais dit qu'on en entendrait d'autres. On va en entendre d'autres. Donc, on commence notre dernier bloc avec la Bocca della Verità. Thank you.